ADA Audio présente Ho'oponopono, le pouvoir en vous, de Laurent de Backer. Bonjour, je m'appelle Laurent de Backer, je suis coach de vie, thérapeute et auteur. Grâce à cet enregistrement, je vais vous donner accès à une technique très simple, bien souvent méconnue et pourtant au pouvoir extraordinaire de transformation. Son nom est Ho'oponopono. Si simple qu'elle consiste à répéter les mots « désolé »,« pardon », »,« merci », »,« je t'aime ». En dialecte hawaïen, d'où est originaire Ho'oponopono, cela signifie « rectifier, nettoyer, redresser ce qui doit l'être ». Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans les prochaines minutes. Imaginez-vous que, depuis le moment où vous êtes venu au monde, votre mental a enregistré une quantité phénoménale d'informations qui se sont transformées en mémoire, en programmation. Que ce soit ce qu'on vous a appris quand vous étiez enfant, ce que vous avez pu observer dès votre plus jeune âge, ou bien expérimenter par la suite. De celle-ci, vous en avez fait une réalité, votre réalité, et vous en avez déduit que la vie est telle que vous vous la représentez et que vous l'avez toujours connue. Or, selon les principes de Ho'oponopono, vous êtes à 100% responsable de ce que vous vivez, ou plutôt vos mémoires le sont, car elles veulent systématiquement vous prouver qu'elles ont raison d'exister, et elles font en sorte que vous pensiez et agissiez toujours de la même manière, telle qu'elles l'ont décidé. Ainsi, vous obtenez toujours les mêmes résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si bien que vous ne vivez pas la vie que vous voulez, mais plutôt celle que vos mémoires vous imposent. Si ces programmations sont positives, alors il y a des chances pour que votre vie soit agréable, épanouissante et abondante. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. C'est alors qu'on a une vie personnelle chaotique, ou bien un travail peu épanouissant, ou encore qu'on vit des situations de pénurie financière, ou pire, que notre santé s'en ressent. Et vous avez beau essayer toutes les techniques à votre disposition pour faire changer les choses, rien ne se passe, ou pas longtemps. Et les mêmes problèmes surgissent à nouveau, car vos programmations créent vos croyances, qui elles-mêmes créent vos pensées, lesquelles à leur tour créent votre univers physique. La seule et unique solution pour parvenir à vos objectifs et de devenir le leader de votre vie, c'est de vous débarrasser de toutes ces mémoires et programmations une bonne fois pour toutes. De plus, dans la philosophie de Ho'oponopono, il est indiqué que nous attirons à nous des personnes faisant écho à nos propres mémoires erronées, comme des miroirs nous montrant sur quel domaine de notre vie il nous faut travailler. Mais aussi qu'en nettoyant ces mémoires erronées qui sont en nous, nous nettoyons également celles des personnes que nous croisons. Ainsi, en pratiquant Ho'oponopono, non seulement vous faites du bien à votre existence, mais vous en faites également à celle de vos proches. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous avertir de deux petites choses. La première, c'est que les changements commenceront à apparaître très rapidement après que vous ayez commencé à pratiquer. Il m'est arrivé de mettre en marche certains processus de transformation seulement quelques heures après avoir débuté un nettoyage. Oui, oui. Ensuite, les changements qui se mettront en place seront ceux qui, à terme, seront positifs pour vous, et non pas ceux que vous imaginez présentement, car votre vision actuelle du futur ne se base que par rapport à vos mémoires erronées, et non pas en fonction de la partie divine qui est en vous. Or, ce moi supérieur sait bien mieux que vos programmations ce qui est bon pour vous et comment y parvenir. Et il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas de la manière que vous avez en tête. C'est pourquoi, dès que vous aurez commencé à faire Ho'oponopono, attendez-vous à voir votre monde changer, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et plus il changera, plus il faudra continuer à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Alors êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à provoquer tous ces changements positifs? À vous engager à 200% dans cette nouvelle vie? À faire connaissance avec la personne que vous êtes en réalité et qui vous est encore totalement inconnue, simplement parce qu'elle est cachée par des couches de mémoires erronées de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur? Êtes-vous prêt à vivre cette existence dont vous avez toujours rêvé sans jamais oser imaginer qu'elle puisse devenir réalité? Si oui, alors allons-y.